Alors, vous écoutez toujours Futur Simple sur les ondes de CKRL 89.1. Déjà 13 ans se sont aujourd'hui écoulés depuis le 11 septembre 2001. Sans contredit, la chute des deux tours du World Trade Center de New York restera gravée dans nos mémoires. Malgré tout, petit à petit, le World Trade Center renaît de ses cendres. D'ici 2020, le complexe final devrait ouvrir ses portes. Étrangement, cette reconstruction historique a elle-même mené à des découvertes archéologiques surprenantes dont va nous parler cette semaine notre chroniqueuse Marie-Claude Dionne. Alors bonjour Marie-Claude. Bonjour Jean-Daniel. Alors Marie-Claude, aujourd'hui, le sous-sol du World Trade Center aurait caché des secrets insoupçonnés. Et là, on ne parle pas d'argent ou de lingots d'or ou de conspiration. Non, malheureusement, c'est un autre type de trésor, un trésor archéologique. En fait, il y a quelques années, en 2010, il y a des travailleurs qui ont fait un chantier pour construire le prochain site d'un centre de sécurité par rapport à la nouvelle tour. Et là, éventuellement, ils vont se buter à quand même une grosse rangée de poutres de bois qui sont menées à la verticale, puis quand même de façon très régulière, là, espacées de façon régulière. Fait que vite comme ça, on s'est dit, c'est pas normal, puis ça ressemble à un bateau. Fait que c'est quand même... Un bateau. Oui, c'est assez bizarre à première vue, parce que les archéologues se sont mis assez rapidement sur le cas pour mener des fouilles en bonne et due forme le plus rapidement possible, parce qu'en fait, le site en tant que tel n'a jamais été perturbé. Donc, en soi, la découverte est quand même assez... à une certaine ampleur, mais aussi le travail des archéologues était sollicité dans le but de préserver aussi le plus rapidement possible le bois. Parce qu'on le sait, en fait, le bois va se détériorer assez rapidement une fois qu'il est mis à l'air avant ou qu'avant il était caché dans un milieu anaérobie. Sous la terre. Donc l'oxygène de l'air pourrait venir attaquer le bois littéralement. Exactement. Ils perdent complètement une trouvaille archéologique. Là, donc on essaie toujours de travailler le plus rapidement possible là-dessus. OK. Et un bateau sous le World Trade Center, Marie-Claude, quel genre de bateau il y avait là? De quoi ça avait l'air, un bateau qui pouvait être caché là? C'est toujours étrange. En fait, quand on a réussi à dégager de la boue cette partie de ces rangées de poutres-là, on a découvert que la structure faisait à peu près 30 pieds, ce qui est pas beaucoup. Donc, on peut penser qu'on avait seulement la moitié ou une certaine partie d'un bateau. On l'a daté assez rapidement entre 1750 et 1800. Ça va s'avérer assez près de la réalité, vu qu'on avait quand même des bons archéologues sur place. Mais vu qu'on avait juste une portion du bateau, on pouvait se demander laquelle. Est-ce que c'est la proue ou la poupe? On n'est pas sûr à 100%, c'est toujours difficile à dire, mais selon l'éventail, il y avait une sorte de structure en éventail à rayons. Ça va suggérer qu'on avait la partie arrière, donc la partie de la poupe du navire. Okay. On peut aussi croire qu'on avait ce navire-là faisait entre 2 et 3 fois plus long que la partie qu'on a retrouvée. En plus, dans cette découverte-là, on a eu une petite structure semi-circulaire qui est à même de la coque. Puis elle est prise en charge sur une base en briques aussi. Fait que là, on a quelques idées. Ça peut être un genre de four pour nourrir des fois les gens sur le bateau, mais ça pourrait peut-être être même un début là, d'un engin à vapeur. Ah, donc ça nous renseigne sur les usages, les pratiques de l'époque sur les bateaux. Donc on a réussi à retrouver un derrière de bateau sous le World Trade Center à l'intérieur des terres de l'île de Manhattan. C'est un peu surprenant quand même. Comment est-ce que ce navire-là puisse se retrouver là-bas loin de l'eau? C'est assez bizarre en effet. On parle d'un changement géographique, ça c'est sûr et certain, puis que ce soit par des analyses de paysages qu'on peut faire en archéologie ou par mon champ de recherche qui est la géographie historique, il y a plusieurs chercheurs qui vont tenter de percer les secrets des changements d'environnement, que ce soit anthropique ou naturel aussi. On sait les lieux changent. On va avoir des plages qui vont disparaître, des promontoires qui vont s'affaisser, voire même des montagnes qui vont gagner en altitude. Mais là, c'est sûr qu'on se demande pourquoi. Il y a un bateau là. Mm-hmm. Le rivage, on pourrait croire, de l'île a changé. Le changement qui est en œuvre ici dans le cas de New York, c'est pas naturel, c'est purement humain. On a trouvé le bateau à peu près une vingtaine de mètres en dessous du niveau de la surface. Ça va bien, mais on l'a trouvé à une centaine de mètres à l'intérieur de l'île. Fait que Absolument. Si on en regarde... En fait, sur des sites web, puis vous allez voir l'intersection des rues Liberty et Church. On est vraiment dans le point de l'île et vraiment à l'écart de la rivière Hudson de bord en bord. C'est assez... On est en droit de se demander là, pourquoi il est atterri là. Absolument. Puis comme Puis comment on a fait, mais est-ce que c'est aussi fréquent de retrouver des bateaux comme ça enfouis sous des berges? Est-ce que là, on change souvent les berges de l'eau pour enterrer des bateaux, par exemple? Ben, en fait, on est toujours avec l'aléa de l'archéologie. Il y a bien des découvertes qu'on n'a pas encore faites. Donc, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de découvertes de faits, mais c'est pas la première fois qu'on trouve un bateau à cet endroit-là. Ben, dans ce type d'endroit-là, je pourrais dire, en 82, sur l'île de Manhattan, on a un bateau d'à peu près dans les mêmes années de confection, de construction, qui a été trouvé à la même latitude, donc à la même hauteur sur l'île de Manhattan, mais beaucoup plus près de la rive est de la rivière. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, on se pose un petit peu moins de questions comme notre bateau d'aujourd'hui qui est vraiment au point dans le creux de l'île. Absolument. Puis pourquoi sous des édifices comme ça, les bateaux, qu'est-ce qui a pu se produire? Hein? C'est assez bizarre. C'est qu'en fait, à l'époque, à une certaine époque, on parle de la fin du 18e siècle, surtout, New York est quand même la destination très prisée de plusieurs gens. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont être attirées pour venir s'installer à New York. Mais New York, c'est une île, l'île de Manhattan, en fait, et c'est assez petit. Donc, pour pouvoir loger tout ce monde-là qui arrive, on n'a pas le choix, étirer l'île en quelque sorte, étirer l'étendue de l'île de Manhattan. Et ce faisant, on aura enseveli le bateau en voulant repousser le bord de l'eau, si on veut. Exactement, parce que pour étendre le rivage de l'île plus loin dans la rivière Hudson, on n'a pas le choix de la remplir par quelque chose. Et là, on n'avait pas de terre, comme un peu à l'île Sainte-Hélène. Ici, à Montréal, on avait un surplus de terre. Oui. On l'a utilisé, mais là, il n'y avait pas de métro à l'époque à New York. Donc, pour faire du remplissage, on mettait absolument tout. Des déchets, des débris, vraiment de toutes sortes, des poutres de bois, tout comme des morceaux aussi de bateaux. Puis en plus, il y a plusieurs archéologues qui ont remarqué que les poutres qu'on a trouvées sur à l'endroit de la découverte, ils étaient tronqués d'une façon qui permet de dire que c'était un acte délibéré. Donc, on a vraiment voulu couper en deux ou en trois peut-être le bateau pour éventuellement être utilisé comme un matériau de remblayage, de remplissage. Okay. Et donc, à la fin du 18e siècle, on parle à peu près de 1797, le navire a été enfoui intentionnellement à l'endroit où on l'a trouvé. Il faut savoir que le navire aurait subi une infestation du taret naval, qui est un ver qui est capable de percer le bois. Donc, moindrement qu'il y en a quelques-uns sur une coque, ça fait des malheurs et ça ne permet plus le bateau de pouvoir... Donc, on les enfouit pour éviter que ces vers-là se propagent. Entre autres, exactement. Bateaux. Donc, on aurait bouché les trous de Manhattan avec un bateau. Et je suppose que ce bateau-là, Marie-Claude, il a été analysé depuis le temps qu'on l'a trouvé. Qu'est-ce qu'on a pu découvrir à son sujet? Oui, en fait, c'est en quelque sorte pour ça que je voulais parler du bateau, parce que les analyses ont sorti dans plusieurs articles scientifiques récemment. C'est sûr qu'au moment de la découverte, la date de construction, l'origine même du bois était inconnue. C'est dur à dire vite comme ça à l'œil. Fallait faire absolument des analyses dendrochronologiques ou même des études de provenance aussi à partir du bois. Puis là, ce qu'on a fait, c'est prendre quelques parties du navire, en tirer des échantillons pour procéder à ces types d'analyses-là. Puis c'est aujourd'hui qu'on a finalement les réponses. Donc, les analyses, tu viens d'en parler, Marie-Claude, on a utilisé la dendrochronologie pour analyser le bateau. Ça mange quoi, ça, en hiver, la dendrochronologie? C'est vraiment une belle analyse, type d'analyse, en fait, qu'on fait en archéologie, entre autres. Ça permet de connaître... d'obtenir plutôt des datations assez précises là, à l'année près de toutes sortes de constructions en bois. Donc, un bateau, ça en fait partie. Puis, on le fait à partir des anneaux de croissance des arbres. Oui, oui, ce qu'on voit là, plus au primaire, là, on prend des carottes dans les arbres pour compter le nombre d'années en fonction des lignes qu'on voit. Exactement. Là, c'est ça? Les cercles, si on prend un tronçon d'arbre qu'on voit dans une forêt, c'est ce qu'on va voir. Mm-hmm. Chaque anneau représente un an. C'est sûr qu'il y a des exceptions. Là. Des fois, il y a des fausses cernes qui peuvent être causées par des conditions plutôt... qui sortent de l'ordinaire, des conditions climatiques. Mais il faut aussi savoir que tous les arbres dans une même région vont avoir exactement la même morphologie d'anneaux de croissance. Là, tout ça, c'est beau. On a un morceau d'arbre, OK. Donc, on sait à quelle date il a été coupé. On sait son âge, mais sans plus. Puis ça, on a toutes les cernes de croissance aussi. Fait que là, il nous manque des informations. Des informations. Est-ce qu'on peut aller chercher d'où vient ce bateau-là? Oui, tout à fait. Avec les dendrochronologues sont capables de faire une référence avec des chronologies qui sont déjà fait à partir de bâtiments qu'on connaît leur date ou à partir de d'arbres qu'on a présentement. Donc, ça peut comparer avec une banque de données comme on voit là, dans les émissions. Exactement. Comme CSI, par exemple. Ah, tout à fait, c'est vrai. Et là, le bateau a des ressemblances beaucoup à des arbres qui poussent ou qui ont poussé à Philadelphie. Donc, on ose croire que le navire plutôt, aurait été construit dans un petit port en Philadelphie. Ou du moins avec du bois qui vient de Philadelphie, je suppose. Oui, mais on connaît l'existence de ports à l'intérieur là, dans la région de Philadelphie. Donc, tout est, disons... tout porte tout à croire là, vers là. Puis la date sera à peu près vers 1775. OK. Donc, ça fait quand même une très belle découverte, parce qu'on connaît pas trop ce qui se passe dans ces années-là en construction navale. Donc, cette découverte-là, ça a permis de renseigner pas mal sur l'histoire de la construction navale américaine. Toujours intéressant. Absolument, absolument, Marie-Claude. Et évidemment, le 11 septembre, c'est un événement absolument historique qui nous en apprend... heureusement, peut-être, lui-même, sur l'histoire, comme quoi les découvertes scientifiques viennent souvent d'étranges hasards. Alors, merci beaucoup, Marie-Claude, pour ta chronique. Alors, on passe maintenant en musique avec Mario Saint-Amand et Un beau grand bateau.